marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit, passer l'été à Paris quand on sait. Se croire à New York, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok. Quand on s'aime, on peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime. Écoute, écoute le temps, moi je le trouve hésitant, puisqu'il varie tout le temps entre vos fixes et printemps. On peut voler de soleil en soleil, nuit et jour quand on s'aime. Oui, quand on s'aime. On peut marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit, passer l'été à Paris. Quand on s'aime, on peut se croire, on peut se croire à New York, à New York, 5 heures du soir, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un square, ou dans un square de Bangkok, de Bangkok. Quand on s'aime. Ah, ah, ah. On peut marcher à New York sous la pluie, prendre le thé 5 heures du soir, 5 o'clock, à minuit, passer l'été dans un square à Bangkok, à Paris. Quand on s'aime, se balancer, on peut marcher sur la terre, dans les airs, danser le tour, danser autour de la mer, de la mer. Prendre l'été, prendre l'été pour l'hiver, pour l'hiver. Quand on s'aime, puisqu'il varie tout le temps entre beau fixe et printemps.